mabesta tisho le mette vida fla mama on power go ti ma e pie ye wo so atombe la ta monte fu na pie wete ma te ya mama on gaba do mi so ye wo so atombe la ta monte fu na pie wete ma te ya mama on gaba do mi so. Pour essayer, c'est beauté, pour beauté, pour beauté. Oui. Thank you. raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, raton, Papa dormi. Raton. Avançons, mais dormi, ne vit qu'à planche. Et job bon, même.